Une confession par Léo Larguier. Avant d'épouser mon vieil ami Olivier Darmel, Claire avait été pendant 3 ans la femme de l'illustre pianiste Jean Palihocap. Je devais, ce soir-là, dîner chez eux, et j'étais en avance, Madame Darmel voulant avoir mon avis sur quelques vieilles toiles reçues de province après un héritage. Je n'avais pas lu les journaux, et je ne savais pas qu'ils annonçaient la mort du virtuose qui avait été son premier mari. Je l'appris seulement dans l'autobus par hasard. C'était une situation assez curieuse. Sûrement nous allions être seuls pendant un moment et Claire Darmel me parlera de cela. Il était, je crois, impossible de voir un ménage plus uni. Olivier avait une 50aine d'années et ses travaux de laboratoire étaient connus de tous les savants du monde. Sa femme, plus jeune que lui de 10 ans, était encore très belle et elle avait su créer autour de lui l'atmosphère d'art la plus étonnante et la plus harmonieuse. Ils s'étaient rencontrés assez tard, et leur amour avait quelque chose de grave, de profond et de sérieux. Comment accueillait-elle la nouvelle de cette mort tapageuse, car elle avait lu certainement quelques-uns de ces articles nécrologiques qui semblent payés et compris dans les traités de publicité que font les impresarios. Je descendis de l'autobus et 10 minutes après, je sonnai à la porte de mes amis. Claire Darmel était vêtue d'une robe blanche, d'une tunique à plis lourds, à peine échancrée au cou, me laissant voir des bras de neige et de marbre que j'appelle des bras pentéliques. Elle avait l'air d'une belle druidesse et elle vint à moi en souriant. J'examinai les peintures enfumées et je ne pus rien lui dire de précis, sauf pour le tissage de la toile qui me semblait du XVIIIe siècle. Elle les rangea dans un bahut, m'offrit un verre de porto et tout de suite, avec sa franchise habituelle et sûre que j'étais au courant, elle me montra le portrait de Jean Palihocap dans un journal. Je lui avouai que je n'avais appris sa mort qu'en venant chez elle. « Ma chère amie, lui dis-je, je suis un vieux romancier curieux de tous les états d'âme, et si je croyais vous causer la moindre peine, je ne vous poserais aucune question. » Elle ne me laissa pas continuer. « Si je n'avais pas eu le courage de faire cesser mon martyre, commença-t-elle, c'est moi qui, aujourd'hui, en voile de veuve, recevrait des visiteurs dans un salon transformé en chapelle ardente. Je représenterai officiellement la douleur que toute femme doit éprouver devant le cadavre d'un mari. J'aurai les crêpes funèbres des douleurs obligatoires. Eh bien, si vous voulez voir le fond de mon cœur, les profondeurs secrètes où l'on ne peut tricher, mais où se cachent parfois les ombres des souvenirs que l'on n'arrive pas à tuer, voilà, c'est ainsi. Il n'y a rien, mes mains ouvertes, ne sont pas plus nettes. » Elle tendit vers moi ses belles mains vides. Sans doute, l'homme qui repose à 7 heures sur son dernier lit, fait, comme le disent les journaux, de ses 2 pianos préférés, fleuris, ainsi qu'un balcon de Nice ou de Monte Carlo de roses sanglantes, cet homme, qui parade encore dans la mort, a gâché 3 années de ma vie, et seuls les articles qu'on lui consacre me choquent un peu, parce qu'il mente. Il le montre génial et bon, cultivé, spirituel, généreux et grand. Il avait la bêtise outrecuidante des phénomènes. Il était d'une avarice sordide, dur comme un usurier, précis comme un homme d'affaires. Un artiste, lui, allons donc. Il y avait autour de sa personne cet air qu'on respire dans une agence théâtrale. Pendant qu'il était à son piano, un secrétaire tapait sur une machine à écrire, sans arrêt, des lettres qui avait trait aux engagements, aux cachets, aux frais de chemin de fer et d'hôtel. Les âmes de Beethoven et de Chopin au-dessus de son clavier, je ris. Il se moquait des génies. Il en parlait comme de vieux maniaques qui n'avaient pas su gagner de l'argent, et il disait, 100 fois par jour, qu'en musique, l'interprète a souvent plus de génie que le créateur. Ne croyez pas, mon ami, que je garde l'ombre d'une rancune. Il est mort le soir où, n'en pouvant plus, il y a 10 ans de cela, je suis parti, et rien n'a tressailli ce matin quand j'ai appris qu'on avait couché son corps trapu dans son habit de soirée, étoilé d'ordre étranger, sur ses 2 pianos fleuris. La malheureuse qu'il délivre est là-bas. Elle reçoit des condoléances. Moi, je suis ici. Vraiment, je m'interroge. Je voudrais être sûr, mais je n'éprouve rien. Si, je suis heureuse. Il est 7 heures. Olivier va rentrer. Il n'est jamais en retard. Et la mort même ne peut nous séparer. Nous l'avons décidé ainsi. Comme elle prononçait ces mots énigmatiques, la porte s'ouvrit, le beau visage sérieux du savant s'éclaira, et comme chaque soir, après avoir embrassé sa femme, il posa sur ses genoux une splendide rose. C'était une confession par Léo Larguet.